Bonjour. Nous, c'est Ander, Esperanza et Corinne, artistes et complices de la compagnie Rouge et Léa. Depuis une dizaine de jours, nous creusons des sillons à la recherche de saxifrages et d'espaces sauvages. Pour les saxifrages, on t'expliquera plus tard. Jusqu'à il y a quelques mois, aucun de nous trois avions connaissance du forêt, ni des monts, ni de la plaine. Jamais entendu parler des hautes chaumes, ni du lignon. Alors, nous nous sommes laissés emmener par des spécialistes du territoire, notre enregistreur en marche, pour capter ce qu'ils et elles avaient à nous dire. Fred et Cédric, spécialistes de la biodiversité, Anne-Christine et Yann, historienne et médiateur, Christian, Yolande, Kevin, jardinier, Anne-Marie, Charlotte, guide et forestière ont tracé les lignes de notre enquête. Le lignon, jamais très loin. À tous, nous avons posé la question du sauvage. Où se trouve-t-il? Le sauvage, c'est là où l'homme n'est pas encore intervenu. Ça n'existe plus, on nous dit. Ou bien, le sauvage, juste là, de l'autre côté de mon jardin. Certains nous ont emmenés sur le lignon de la plaine, où les castors rongent les troncs des peupliers, ou dans un hameau sur le bas de la montagne. Et chaque fois, on nous a pointé le doigt en direction des montagnes, là-bas, les hautes chaumes, là où naît le lignon. Le sauvage a peut-être encore sa place là-bas. Alors, on a voulu y aller. Nous t'invitons à une dérive sonore sur les traces de cette enquête. Tu as peut-être compris que ça se fera en plusieurs étapes, comme notre cheminement. Es-tu prêt ? Prête à nous suivre? D'où vient l'eau? Où va-t-elle? Que faisons-nous ici? Tu es là, à la confluence avec le Lançon, début de la plaine, là où l'eau devient plus calme en apparence. Indomptable, on nous dit en réalité, impétueuse. Là où, cheminant d'une rive à l'autre, on aperçoit des biefs, des barrages, obstacles qui dévient le cours des choses, obstacles à la progression des poissons. Le lignon. Nous sommes allés voir les tourbières. Remonter à la source, l'origine. Imagine, sous tes pieds, un paysage de mousse trempée d'eau de 6 à 7 mètres de profondeur. Une tourbière, 9000 ans d'histoire végétale du territoire. De l'eau fossilisée, coincée dans les sphaignes entassées. La dimension millénaire peut te donner le vertige pendant que les nuages frôlent ta tête à une vitesse vertigineuse elle aussi. Les éléments te rappellent que tu es bien vivante, vivant dans cet instant. Ici, tout semble démarrer. À l'époque de la dernière fonte des glaces, des montagnes jusqu'à toi, cette eau qui emporte avec elle la mesure du temps depuis les vieux glaciers. Et toi, là, tu traces, telle une goutte de cette eau qui passe, source, onde, rivage, rivière, fleuve, détour, méandre,